dans les quartiers pauvres où il grandit. Le diable était plus fort que les anges. Tout ce que les grands lui ont appris, c'était à mentir un peu trop tôt. Ce qu'il ferait demain, que sera, sera demain, demain, demain, demain. C'est un vie chicano. Demain, demain, demain, demain. Attention, chicano, chicano. Pour deux allumettes, un bout de pain. Il suivait les gosses de son âge. Et le soir venu dans un jardin, ils se partageaient tout leur trésor. Et on l'appelait. Terminé un peu trop tôt. Entre quatre murs un peu trop froids, il achève son adolescence pour une bêtise qu'autrefois il avait commise sans savoir. Quand on l'appelait Chicano, le gamin des rues de Mexico, qui voulait sortir de l'ombre et faire sa place au soleil. Que sera, sera demain, demain, demain. Chicano, demain, demain, demain, demain. Attention, chicano, demain, demain, demain, demain. C'est ta vie, chicano, demain, demain, demain, demain. Attention, chicano, chicano.